Bonjour et bienvenue en 2030 glorieuse. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous fais une annonce exceptionnelle. C'est pas un épisode de classique du podcast 2030 glorieuse, mais bien une invitation un peu particulière à venir participer à une grande soirée en 2030 glorieuse qui aura lieu à la Recyclerie. C'est à Paris, dans le 18e arrondissement. Et il s'agira de se retrouver le 31 mai à partir de 19h. Il y aura deux temps, donc à partir de 19h, un enregistrement du podcast 2030 Glorieuse en live avec des personnes qui sont déjà passées dans le podcast ces dernières années. J'aurai le plaisir d'avoir avec moi Vincent Berne de Jacqueuil, Claire Petro des Pépites Vertes et Vanessa Krissev du Réchaud. Et puis ensuite, à partir de 20h, on fera un grand voyage en 2030 Glorieuse. Ça va être un atelier de libération des imaginaires. C'est un moment hyper chouette qui aura en plus la partie particularité d'avoir lieu, si le temps le permet bien sûr, sur les rails à l'extérieur de la recyclerie. Ça va être un cadre vraiment chouette avec quelques guides déjà formés des 2030 glorieuses, des partenaires, des invités aussi. Bah, du coup, toutes les personnes qui sont curieuses de faire ce grand voyage en 2030 glorieuses. Donc, on vous attend nombreuses et nombreux. Pour vous inscrire, il va falloir que vous alliez sur le site 2030glorieuses.org et dans la partie événements, vous trouverez le lien qui vous emmènera vers la billetterie et l'OASO pour prendre vos billets pour participer au voyage en 2030 glorieuses à la recyclerie. Il me semble aussi qu'il y a un événement Facebook, si jamais vous voulez passer par là et que c'est plus simple pour vous pour trouver les billets. Et je vous dis, moi, avec grand plaisir pour se retrouver donc dans quelques jours pour faire ce grand voyage en 2030 glorieuse avec vous. Et puis, on revient bien sûr dans quelques jours aussi dans votre application de podcast préférée pour un prochain épisode des 2030 glorieuses. Allez, salut!